Et ça c'est Zita Ninel. Et depuis les Miquiliens, les affaires sont les affaires. Et cette fois-ci je vous ai laissé le pays. Yeah. Kanisi, mamba si koyo na moni. Wanzambe, j'ai mal la tête et mal au côté. Oh, moi je pleure fatigué. Oh, comme un chanteur et quoi te quoi te go. N'est-ce pas vraiment, ce n'est pas possible. Oh, pour moi vraiment, ce n'est pas possible. Oh, oh. La tête est mal au côté gros. Oh, moi j'ai pleuré fatigué. Oh, comme un chien vert et quoi t'es quoi t'es gros. N'est-ce pas vraiment, ce n'est pas possible gros. Pour moi vraiment, ce n'est pas possible gros. Oh, oh. Tant il monte maro, moi c'est un sentiment. Tant il monte maro. Moi c'est un sentiment, hé. Moi tant il monte maro. Moi c'est un sentiment, hé. Tant il monte maro. Moi c'est un sentiment, hé. Sentiment monte ma antillé. Oh sentiment monte ma antillé. Tant il monte maro. Moi c'est un sentiment, hé. Tant il monte maro. Moi c'est un sentiment, hé. Moi tant il monte maro. Moi c'est un sentiment, hé. Sentiment monte ma antillé. Oh sentiment monte ma antillé. Personne comment Aguinaldo. loboko ya mosanto lokasa ya mbongo. Yeah. Yeah. La carte à titan.